Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On les craint, à tort peut-être. On les observe, du moins certains les observent. Mais comment communiquer avec eux et comment les comprendre? Les loups sont en train de parler. Le 1er juillet 1975, Nicolas Strotsky poursuivait sa série « Mes amis les loups ». Après la notion de territoire, la famille chez les animaux, l'alimentation chez les animaux et le rôle sanitaire des prédateurs, voici le langage des loups et des animaux en général. Justifier une destruction des loups, les autorités canadiennes ont chargé un biologiste et zoologue, Farley Mowat, de faire une enquête. Seul dans la région de Barren, au nord-est du Canada, Farley Mowat observe avec l'aide de deux Esquimaux, Mike et Ootek. Il découvre ainsi que les loups sont tout à fait différents de la réputation qu'il leur est faite. Le récit tendre et ironique de Farley Mowat, interprété par Michel Galabru, est tiré du livre « Mes amis les loups », publié par Artaud. La vie familiale des loups et leurs habitudes de chasse nous ont été révélées précédemment. Aujourd'hui, avec le professeur Rémi Chauvin, nous allons découvrir comment communiquent les loups et les autres animaux. Ootek possédait diverses aptitudes singulières comme naturaliste. La moins étonnante d'entre elles n'était pas sa faculté apparente de comprendre le langage des loups. Avant de rencontrer Ootek, j'avais déjà remarqué que la variété, le nombre des sons buccaux émis par George, Angelina et l'oncle Albert surpassaient de loin ceux de la plupart des autres animaux que je connaissais, hormis l'homme. Dans mes carnets de notes, j'avais enregistré différentes catégories de sons. Hurlement, ululement, aboie, pleurs, grognement, grondement, sifflement, etc. Et au sein de ces diverses catégories, j'avais reconnu, sans d'ailleurs pouvoir les décrire, d'innombrables variations. Je savais également que les canins étaient en général capables d'entendre et probablement d'émettre des sons dont la longueur d'onde était aussi bien située au-dessus qu'en dessous du registre de la réceptivité humaine. Le sifflet à chien insonore que l'on trouve dans le commerce le confirme. Je savais également que les loups de mon groupe familial semblaient réagir intelligemment aux sons émis par d'autres loups. Je n'avais toutefois pas de preuve que ces sons fussent autre chose que de simples signaux. Mon véritable apprentissage de la langue des loups commença quelques jours après l'arrivée d'Ootek. Nous avions observé ensemble la tanière des loups pendant plusieurs heures, sans voir rien d'intéressant à noter. C'était une journée de calme plat, de sorte que les mouches et les moustiques s'évertuaient à égaler la 7e plaie d'Égypte. Angelina et les louveteaux s'étaient retirés dans la tanière pour s'en protéger. Les deux mâles, épuisés après une chasse qui s'était prolongée jusqu'au milieu de la matinée, dormaient non loin de là. Je commençais à m'ennuyer et à avoir sommeil moi-même, lorsque Ootek porta ses mains en pavillon autour de ses oreilles et commença d'écouter intensément. Je n'entendais pour moi rien du tout et je n'avais aucune idée de ce qui avait attiré son attention. « Écoute, me dit-il, les loups sont en train de parler. » Et il me montra une chaîne de collines à quelques 5 000 de nous dans le nord. Je tendis l'oreille. Si un des loups était en train d'émettre du haut des collines, il n'était certainement pas sur ma longueur d'onde. Je n'entendis rien d'autre que le déprimant bourdonnement des moustiques. Mais Georges, qui dormait sur la crête de l'escarpement, s'assit soudain, dressa les oreilles et pointa son long museau vers le nord. Une minute ou deux plus tard, il rejeta la tête en arrière et poussa un long hurlement gémissant qui partit sur une note basse, se termina sur le fossé le plus aigu que mes oreilles fussent capables d'enregistrer. Ootech me saisit le bras et me gratifia d'un sourire épanoui. Les caribous arrivent, les loups le disent. Je compris le sens général, mais pas plus, et ce ne fut qu'après le retour à la cabane avec Mike pour interprète que j'appris toute l'histoire. Selon Ootech, le loup habitant le territoire voisin au nord venait d'informer les nôtres que les caribous, si longtemps attendus, avaient commencé leur migration vers le sud. Soit, mais il avait même indiqué où ils se trouvaient à ce moment-là. Pour rendre l'histoire encore plus suspecte d'enjolivure, ce loup n'avait pas vu les caribous lui-même, mais il avait simplement transmis une information fournie par un autre loup encore plus lointain. Georges, l'ayant entendu et comprise, avait ensuite retransmis la bonne nouvelle à son tour. Je suis incrédule par nature et par vocation, et je ne cachais pas l'amusement que me causait la naïveté de Ootech. Il tentait de m'impressionner par une histoire fantastique, mais si j'étais incrédule, Mike ne l'était pas. Sans ajouter un mot de plus, il fit ses paquets pour partir en expédition de chasse. Je n'étais pas surpris de son vif désir de tuer un daim. J'avais appris une vérité, c'est que, comme tous les autres humains des Barents, il était un mangeur de viande et vivait exclusivement ou presque du caribou quand il y en avait. Mais j'étais abasourdi de le voir prêt à partir pour une marche de 2 ou 3 jours dans la toundra sur une aussi vaseuse explication que celle donnée par Ootech. Je le lui dis, mais Mike s'enferma dans son habituel mutisme et partit sans avoir desserré les dents. Trois jours plus tard, je le revis. Il m'offrit un quartier de venaison et une casserole de langue de caribou. Il me dit également qu'il avait trouvé les bêtes exactement où Ootech lui avait dit qu'elles étaient après avoir interprété le message des loups sur les bords du lac Kohoyak, à quelques 40 miles au nord de la cabane. Je savais que ceci devait être une coïncidence, mais curieux de voir jusqu'à quel point Mike me mènerait en bateau, je feignis de le croire et lui demandai de m'en dire plus sur les talents mystérieux d'Ootech. Mike s'empressa de m'expliquer que les loups, non seulement pouvaient communiquer à de grandes distances, mais qu'ils pouvaient parler. Il insista sur le mot « entre eux » presque comme nous le faisons. Il reconnaissait que lui-même ne pouvait ni entendre tous les sons qu'ils émettaient, ni les comprendre pour la plupart. Mais il m'affirma que certains rares Esquimaux, en particulier Ootech, pouvaient les entendre, les comprendre et même qu'ils pouvaient littéralement converser avec les loups. Le matin suivant, lorsque nous allâmes à la tanière, les deux loups mâles avaient disparu. Angelina et les louveteaux étaient dans les environs à bagnauder, mais Angelina semblait malade d'agitation. Elle ne cessait d'aller et venir entre la crête de l'escarpement et la tanière. Elle restait au sommet quelques minutes, dans une attitude d'expectative anxieuse, avant de retourner auprès des louveteaux. Le temps passait. Georges et Albert étaient très en retard. Puis, à sa 5e halte en haut de la crête, Angelina parut entendre quelque chose. Ootech également. Il me refit la pantomime des mains aux oreilles et après avoir écouté un moment, il essaya de me donner des explications sur ce qui se passait. Hélas, nous n'arrivions pas encore à nous comprendre et, cette fois, je ne pus même pas saisir le sens général de ce qu'il me disait. Lorsque nous revîmes Mike, il interrogea Ootech. « Hier, me dit-il, Ootech dit que le loup que tu appelles Georges a envoyé un message à sa femme. Ohotek a très bien entendu. Il a dit à sa femme que la chasse était très mauvaise et qu'il allait rester absent plus longtemps. Peut-être bien qu'il ne rentrerait pas à la tanière avant la moitié du jour. Pendant deux jours encore, mon scepticisme domina. Jusqu'au moment où, dans l'après-midi, Georges apparut sur la crête et pointa les oreilles vers le nord. Ce qu'il entendit, à supposer qu'il était entendu quelque chose, ne sembla pas l'intéresser outre mesure, car il ne ulula pas, mais redescendit à la tanière pour jouer à se flairer le bout du nez avec Angelina. Ohotek, pour sa part, était extrêmement intéressé. L'excitation brillait sur son large visage. Il se mit à me noyer sous un torrent de paroles. Dans ce flot tumultueux, je réussis à pêcher quelques mots. Inuit, Eskimo, et kiaï, venir, qu'il répéta plusieurs fois en essayant passionnément de se faire comprendre. Comme j'avais l'air obstinément bouché, il me lança un regard exaspéré et sans même une formule de congé, il fonça dans la toundra dans une direction qui menait au nord-ouest de la cabane de Mike. Je fus un peu vexé de ce départ cavalier, mais je l'oubliai rapidement car l'après-midi s'avançait et tous les loups s'agitaient à l'heure où les mâles devaient partir pour la chasse nocturne. Cette nuit-là, les loups changèrent leurs habitudes. Au lieu de prendre la direction du nord-ouest, ils partirent vers l'est, à l'opposé de la cabane de Mike et de ma tante. Je ne pensais plus à ce changement lorsqu'un peu plus tard, le cri d'un homme me fit retourner. Ohotek était revenu. Il n'était pas seul. Trois joyeux compagnons le suivaient, souriant et intimidés par cette première rencontre avec l'étrange Kablunak qui s'intéressait au loup. L'arrivée d'une telle foule laissait supposer que les observations nocturnes ne donneraient guère de résultats. Aussi, je me joignis aux quatre Esquimaux qui se rendirent à la cabane. Mike était à la maison et salua les visiteurs comme de vieux amis. J'eus la chance de pouvoir lui poser quelques questions. « Oui, me dit-il, Ohotek savait que ses hommes étaient en route et n'allaient pas tarder à arriver. »« Mais comment le savait-il ? » ?»« Stupide question, il le savait parce qu'il avait entendu le loup des collines à 5000 dollars raconter le passage des Esquimaux à travers son territoire. » Il avait essayé de me le dire, mais comme je n'avais pas été fichu de le comprendre, il s'était vu forcé de me quitter afin d'aller arrêter ses compagnons en marche pour les saluer. C'était pas plus compliqué que cela. Professeur Rémy Chauvin, ne pensez-vous pas que cette histoire de communication des loups est un peu étonnante ? Un peu, vous êtes modeste, parce que si le quart de ce que raconte l'Indien dans le livre, ce fameux Ohotek, qui prétend comprendre ce que raconte le loup, et qui prétend que le loup raconte à sa femme ce qui se passe à plusieurs kilomètres, par exemple que des Esquimaux viennent d'arriver ou que les caribous sont en marche, si cela est vrai, eh bien évidemment, ça ruine tout ce qu'on croyait savoir des communications animales. Et je ne dirais pas, je ne me précipiterai pas pour dire que c'est faux ou que c'est inventé. Il faudrait évidemment le vérifier, ce qui n'est pas une petite affaire, parce que d'après ce que raconte Mowat, la solitude où il se trouvait était assez inhospitalière. Je doute que beaucoup de chercheurs acceptent d'y aller. Mais enfin, peut-être un jour saura-t-on le fin mot de la chose. Toujours est-il que sur un plan plus modeste, des communications, ben parlons si vous voulez des communications acoustiques, puisque les loups crient, c'est une question de communication acoustique. Mais est-ce que c'est un langage, c'est ça? Ah, ça c'est un gros problème. Je pourrais répondre à votre question par une autre question en vous demandant ce que c'est qu'un langage, n'est-ce pas? Parce que les linguistes sont très loin, vous savez, d'être d'accord sur la définition du langage. Disons qu'il y a des moyens de communication, ce qui est une méthode hypocrite pour éviter de répondre à votre question. Alors, à un certain moment, ces moyens de communication culminent dans ce qu'on appelle le langage humain. Mais le langage humain, et là on l'a bien réalisé depuis quelque temps, il n'est pas tout seul, isolé sur la cime d'une haute montagne, avec une plaine très basse au pied, pas du tout. Il y a toute une série de tentatives de communication, parfois extrêmement complexes, capables de véhiculer entre les animaux des renseignements très compliqués. Alors, pour rester toujours dans l'acoustique, on a fait beaucoup de progrès depuis qu'un appareil magique a été inventé qui s'appelle le sonagraphe. Tout simplement, voilà ce que c'est. C'est un appareil qui transforme en impulsion lumineuse des impressions sonores. C'est-à-dire que vous passez une bande de magnétophone à l'intérieur et il vous transcrit la bande de magnétophone en impulsion photographique telle que vous pouvez très facilement repérer, par exemple, la fréquence et l'amplitude de ce que vous avez entendu. Alors c'est très commode parce qu'il faut vous dire qu'avant, les gens qui étudiaient les chants des oiseaux, par exemple, mais comment vous pouvez rendre le chant des oiseaux ? Avec des notes de musique ? Ce n'est pas tellement facile. Avec des onomatopées ? Très jolies les onomatopées, seulement si vous croyez que celles d'un anglais et celles d'un français sont les mêmes, et celles d'un russe par exemple, si bien que l'histoire du chant des oiseaux, c'était exactement la même chose que la tour de Babel. Personne ne comprenait ce que voulait dire l'interlocuteur. Alors évidemment, avec le sonagraphe, vous vous transmettez des bandes de magnétophone ou des clichés sonagraphiques. Alors depuis ce temps-là, on a fait des progrès vertigineux dans les connaissances des communications acoustiques. Chez les oiseaux en particulier, il y a deux parties. Il y a une partie qui est innée, que l'oiseau semble bien apporter en naissant, puisque l'animal isolé dans une chambre sourde émet toute une série de sons qui sont les mêmes chez tous les individus d'une même espèce, alors on est enclin à admettre que c'est porté par le génotype, naturellement. Et puis, il y a une autre partie, c'est la plus intéressante, elle est apprise par les parents. Et alors, les ornithologues anglais en particulier, les ornithologues anglais sont sans doute les meilleurs du monde, n'est-ce pas ? Eh bien, ils avaient remarqué que les rossignols ne chantaient pas de la même façon. Mais en plus, qu'il y avait des bosquets où une certaine habitude, un certain mode de chant se transmettait de génération en génération. Alors, le sonographe l'a en effet constaté. Tout simplement, c'est le père qui a imaginé des variations, car il en imagine, n'est-ce pas ? Et les petits l'écoutent. Alors, ils se dressent d'après ce que raconte papa, et ils embrodent, plus ou moins à leur tour, d'autres variations sur le thème fondamental. Alors, si bien il y a des écoles de chant séparées les unes des autres par quelques kilomètres, qui sont tout à fait notables. C'est tout à fait étonnant, parce que, écoutez, la musique, c'est un langage, que diable, enfin, c'est ce qu'on admet quand il s'agit de l'homme. Alors, pour le rossignol, on pourrait l'admettre aussi. Seulement, voilà, il y a une difficulté. C'est un langage qui sert à quoi ? Ben, ma foi, à déterminer le territoire, à avertir les collègues qu'il y a ici un rossignol en état de fonctionner, qu'il ne faut pas s'approcher. Seulement pourquoi cette richesse de vocabulaire, qui est sensible même à l'oreille humaine, et comment, n'est-ce pas ? On dirait que les oiseaux avaient des possibilités d'expression sonore et qu'ils les ont uniquement, comme on l'a dit à moitié sérieusement, limitées au domaine artistique. Ce sera assez cocasse comme idée, mais ce n'est peut-être pas impossible. Et le perroquet ? Ah, le perroquet, écoutez, je vous surprendrai beaucoup en vous disant qu'il n'y a pas eu, depuis plus de 100 ans, une monographie scientifique sérieuse sur le perroquet. La question de savoir si le perroquet arrive à associer les mots qu'il prononce parfaitement à une situation donnée, c'est-à-dire, est-ce qu'il dit vert pour demander un vert ? Est-ce qu'il dit banane pour demander une banane ? Cette question n'a jamais été résolue sur une base vraiment scientifique. Alors, il y a les fanatiques du perroquet qui prétendent qu'il parle beaucoup mieux que certains humains, avec beaucoup plus de raison et d'à propos. Et puis, il y a les sceptiques acharnés qui prétendent que c'est complètement stupide. Je crois que c'est une question de perroquet. Il semble bien qu'il y ait des différences individuelles considérables entre les animaux et que, ma foi, il y a des animaux que j'oserais dire de génie, entre guillemets tout de même l'expression de génie, comme il y a des hommes de génie. Et ça dépend peut-être du perroquet que vous avez. Moi, je ne serais pas opposé à l'idée que certains perroquets, parfois, puissent associer ce qu'ils disent à une situation qui attache à ce qu'ils disent un sens d'expression. Je me fonde pour affirmer une chose pareille, des expériences de ma femme qui n'a pas travaillé sur le perroquet et a travaillé sur le pique-pêche qui est une sorte de pivert, sauf qu'il n'est pas vert, comme dit, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est-ce pas ? C'est un animal assez commun, n'est-ce pas ? Et c'est un oiseau à gros cerveau, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de différences dans le développement cérébral des oiseaux, entre eux, au moins autant qu'entre les différents mammifères. Un chimpanzé a bien plus de cerveau qu'une taupe, chacun sait ça. Mais un grand corbeau a 17 fois plus de cerveau qu'un pigeon. C'est une grosse différence, même relativement près de son corps, voyez-vous. Alors, son pic, le pic et pêche de ma femme, a une particularité, ça chante très peu. Mais il s'exprime par roulade. Vous avez entendu dans les bois des roulades. Oui, certainement. C'est tout simplement l'appel d'amour des pics, ou encore un avertissement territorial. Alors, essayez de demander si elle ne pourrait pas lui apprendre à donner un certain nombre de coups, par exemple un coup pour une pistache, deux coups pour du chocolat, entre parenthèses, les pics feraient n'importe quoi pour un bout de chocolat, comme le castor devient beaucoup plus malin qu'un singe quand on lui propose une vieille croûte de pain. Eh bien, le pic est encore bien plus intelligent que d'habitude quand il voit du chocolat. Et alors, vous pouvez aussi imaginer trois coups pour un criquet, enfin, etc. Les pics sont des bêtes très gourmandes. Bref, elle est allée jusqu'à six objets différents à désigner par un nombre de coups différents. Et ça marche. C'est-à-dire que le pic donne un certain nombre de coups pour obtenir telle ou telle chose. Vous me direz, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une énormité pareille? Ben voilà, lorsqu'il a demandé du chocolat, je lui donne un grillon. Ce n'est pas le signal du grillon qu'il a émis. Il attrape le grillon, il le jette, il donne tous les signes de la colère, c'est tout à fait net chez le pic, et il signale ensuite chocolat deux ou trois fois de suite. D'où je conclus qu'il demandait du chocolat, voyez-vous, c'est aussi bête que ça. Alors, ceci peut paraître énorme, et il y a quelque temps, on n'aurait même pas osé publier une chose pareille. Si ma femme avait publié ça, elle se serait fait taxer de folie furieuse par toutes les instances scientifiques raisonnables, qu'ils ne sont souvent pas tellement. Seulement, voilà, il y a eu, dans le domaine de la communication gestuelle, des choses tout aussi fortes publiées à propos des chimpanzés. C'est l'histoire des Lagenon Washo et de Lagenon Sarah, dont la première a été habituée par ses maîtres, les Gardner, à se servir du langage des sourds-muets. Alors, ce n'est plus un langage sonore. Vous savez qu'on a essayé d'apprendre aux chimpanzés à parler avec un insuccès total, on ne peut pas. Mais par contre, il fait des gestes et des grimaces. Et alors, le langage des sourds-muets est appris assez facilement, ma foi, par le chimpanzé. Quand la guenon Washo, qui a appris ce langage, est devenue célèbre. Et puis une autre guenon a appris, non pas à parler, mais si j'ose, à s'exprimer par le langage des sourds-muets, tout au moins, mais si j'ose m'exprimer ainsi, à écrire. Enfin, c'est un gros mot, direz-vous, mais tout de même. Et là, sur des morceaux de plastique qu'on peut afficher sur un tableau magnétique, des sortes d'hiéroglyphes, des symboles, et qui peuvent former des phrases. Par exemple, John donne banane à Sarah. Elle n'est récompensée que si elle a affiché la phrase avec l'ordre correct des termes. Et ça marche. Alors actuellement, nous sommes, voyez-vous, dans une période de révolution cataclysmique dans notre connaissance des communications animales. Elles vont sans doute infiniment plus loin qu'on ne croyait. Les animaux ne parlent pas sans doute. Non, mais, quoique, toutefois, voyez-vous, on introduit des restrictions qui préparent peut-être des développements scientifiques ultérieurs. Il y a tout de même quelque chose d'extrêmement intéressant qui est le langage chez les insectes, puisque l'abeille est capable de donner des informations, et en fait le langage sert à cela, donner des informations, communiquer sur des systèmes aussi complexes, la quantité de nourriture, sa situation par rapport au soleil et la ruche, et ça représente donc un langage aussi. Alors comment fonctionne ce langage? Ne m'en parlez pas, là il y a aussi une difficulté, écoutez, j'oserais l'appeler philosophique, n'est-ce pas, au moins aussi grande que l'histoire du langage des sourds-muets manipulés par les singes, parce que diable, les singes ont tout de même un gros cerveau. L'abeille a un tout petit cerveau. Or, ce qu'elle indique dans ses danses rythmées, des danses de la ruche, c'est quelque chose qu'un chimpanzé serait bien incapable d'indiquer. En deux mots, elle décrit, lorsqu'elle vient de découvrir du miel, une sorte de huit sur les rayons verticaux, je le rappelle, de la ruche. La cadence avec laquelle elle trace ce 8, en marchant très rapidement, a trait à la distance. Plus elle va vite, plus le miel est près. Plus elle va lentement, plus le miel est loin. Mais en plus, la direction est indiquée par l'axe du 8, qui peut être plus ou moins incliné par rapport à la verticale. Eh bien, si vous tracez deux lignes, l'une qui va de la ruche au soleil, l'autre qui va de la ruche à la nourriture, ils font un certain angle. Eh bien, cet angle est le même que celle que fait l'axe du 8 avec la verticale. C'est affolant, c'est un tracé de carte élémentaire, n'est-ce pas? C'est une transposition sur le plan vertical de données qu'elle a récoltées sur le plan horizontal. Aucun singe n'est capable de faire ça. Et pourtant, elle le fait. Ce langage n'est pas complètement inné ni automatique. La jeune abeille, qui ne vit qu'un mois et qui ne va sortir qu'une dizaine de jours, a besoin d'apprendre à se servir de la danse, d'apprendre à la comprendre et d'apprendre à la faire. Et elle fait des erreurs qu'elle met quelquefois 48 heures à corriger. Dites donc, Mettre 48 heures à apprendre quelque chose alors qu'on ne va l'utiliser que 8 jours, c'est apprendre lentement, voyez-vous. Je crois que l'on a enrichi les connaissances concernant les communications chez les insectes, parce qu'il n'y a pas seulement cette communication gestuelle, il y a aussi une communication par l'odeur. Ah, ça, c'est un chapitre tout à fait nouveau. Mais là, nous disposons d'un autre appareil miraculeux, l'appareil chimique cette fois-ci. C'est le chromatographe à vapeur d'argon qui permet, l'argon n'est pas une vapeur, c'est un gaz, mais enfin, le chromatographe à argon qui permet d'analyser des milligrammes de substance, même moins d'un milligramme, et d'avoir une analyse complète inscrite automatiquement sur un bout de papier. Alors, celle nous a permis d'analyser les sécrétions olfactives des insectes avec une sûreté et une précision absolument inespérées. On a découvert, par exemple, que les fourmis avaient au moins 7, 8 ou 10 espèces de glandes, et j'en passe, n'est-ce pas, que chacune émet des substances particulières qu'on connaît, dont on connaît la nature chimique, et qu'elles s'en servent, qu'elles servent de la sécrétion de ces glandes comme de poteaux indicateurs, en quelque sorte, pour indiquer à leurs collègues « fais ceci, ne fais pas ça, va par là, ne va pas par là », etc. Si bien que l'intérieur de la ruche ou la fourmilière, les chemins des fourmis, sont balisés par toutes ces sécrétions, qui constituent, il ne faut pas hésiter à le dire, un véritable langage olfactif, avec des quantités de nuances sans doute comparables à celles d'un langage sonore comme celui des oiseaux. Seulement, nous sommes presque des infirmes du point de vue olfactif. Nous avons très peu de nez, comme vous savez. Alors, nous n'avons pas conçu aisément qu'un langage puisse se passer en dehors du registre sonore. Cette communication, cette possibilité de communication entre l'animal et l'homme a été aussi tentée avec des espèces beaucoup plus évoluées, par exemple avec les dauphins. Où est-ce que ça en est, ça ? C'est une question intéressante, je voudrais bien pouvoir vous répondre. Mais ça ne m'est guère possible, parce que la plupart des travaux sur le dauphin sont classifiés par les Américains, c'est-à-dire secrets. Vous avez sans doute lu le roman très intéressant de Robert Merle, Un animal doué de raison, où il donne un peu de la science-fiction en supposant que le dauphin sait parler. Ben écoutez, il ne sait pas parler, mais il a un langage sonore d'une complication extraordinaire et que, à ma connaissance, on n'est pas encore arrivé à décrypter. Or, on sait que au moins cela, le dauphin peut indiquer à un autre dauphin en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà comment on s'y prend. On met les deux dauphins dans deux cases respectivement isolées, mais isolées par un écran qui permet de laisser passer les sons. Et alors, il y a quatre leviers et quatre lampes qui s'allument au-dessus de chacun des leviers. L'animal ne reçoit de la nourriture que s'il appuie sur le levier au-dessus duquel une lampe est allumée. Il apprend ça à toute vitesse, pour aucune importance. Les rats eux-mêmes apprennent ça très aisément. Mais vous compliquez l'expérience, vous n'allumez les lampes que dans une moitié des cages, et l'autre dauphin devra cependant appuyer sur le bon levier en même temps que le premier, n'est-ce pas, quoi qu'il ne voit pas de lampe. L'expérience est impossible et absurde s'il n'y a pas communication. Cependant, elle réussit. Mais si vous mettez entre les deux un écran qui absorbe les sons, le deuxième dauphin qui ne voit pas les lampes appuie au hasard sur les leviers. Or, un hydrophone, immergé à ce moment dans l'eau, montre que le premier dauphin qui voit les lampes expédie tout un langage sonore, tous des messages sonores hyper complexes à l'autre dauphin, parmi lesquels il y a certainement en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais quel est le signal sonore qui répond à ces indications? On ne sait pas encore le déchiffrer, voyez-vous. Alors, malheureusement, encore une fois, le reste est secret militaire. On sait seulement que les dauphins, réalisant ce que disait Robert Merle, savent poser des mines magnétiques sur la coque d'un certain nombre de navires qui ne sont pas protégés par une certaine plaque de métal qu'ils savent goûter. D'autre part, il y a le comportement ahurissant du dauphin par sa complication et sa familiarité abracadabrante avec l'homme, au moins égale à celle d'un chien. Alors je me demande, je voudrais bien savoir dans le fond, jusqu'où la compréhension homme-dauphin est allée. Je suis sûr que les Américains le savent, seulement ils ne veulent pas le dire. Parce que le dauphin est une arme de guerre, hélas. Nos progrès dans l'étude des communications animales ont fait un saut vertical depuis à peine 10 ans, à cause des perfectionnements des moyens d'enregistrement. Et nous en savons déjà 1000 fois plus qu'on en savait dans ma jeunesse là-dessus. Et cela continue. Donc je pense que le stade suivant est effectivement une meilleure compréhension. Elle est déjà très amorcée pour les singes. Elle est déjà très amorcée. Actuellement, un singe soutient par le langage gestuel une véritable conversation avec son, je ne dirais pas son dompteur, je dirais avec son ami humain. Et peut-être cela ira-t-il beaucoup plus loin. C'était Mes amis les loups, cinquième émission d'une série de 6 par Nicolas Strotsky, en compagnie de Rémi Chauvin, professeur à la faculté de sciences de Nancy. Le langage des loups et des animaux, en général, sa signification. Texte de Farley Mowat, lu par Michel Galabru. Réalisation Colette Chemama. Première diffusion sur France Culture le 1er juillet 1975. Prochain et dernier rendez-vous de la série, l'apprentissage de la chasse chez les animaux, l'inné et l'acquis. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.